Tout en bas de l'échelle de la matière, il y a les quarks. Lorsqu'ils s'assemblent par trois, ça donne les hadrons, des protons ou des neutrons qui composent les noyaux atomiques. Lorsqu'ils s'assemblent par deux, ça donne des mésons, des particules virtuelles à la durée de vie très très courte. Étant entendu qu'il y a à notre connaissance six quarks, cela donne déjà un certain nombre de combinaisons possibles. Ajoutez à cela la recherche fondamentale qui cherche à obtenir deux nouvelles combinaisons avec quatre, voire 5 quarks, bienvenue dans le champ des hadrons exotiques, de ces états limites et éphémères de la matière qu'explore la physique des particules. Hadron, la combinaison gagnante, c'est le programme exotique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ces assemblages de particules élémentaires, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Hélène Schön, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay, médaille d'argent du CNRS 2019, et vous participez à l'expérience LHCb au CERN dont il va être beaucoup question aujourd'hui. Et Ursula Bassler, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS et présidente du Conseil du CERN. Mais on commence par celle qui a chaque jour la combinaison gagnante de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Science avec la découverte d'un nouveau type de lymphocyte T. Et les lymphocytes T, ce sont les grands orchestrateurs de la réponse immunitaire. Ils possèdent à leur surface des récepteurs des cellules T, des capteurs moléculaires capables de détecter et d'éliminer les agents pathogènes. Alors pour détecter les antigènes, les cellules T utilisent soit un récepteur de cellules T alpha-bêta, soit un récepteur de cellules T gamma-delta. Alors jusqu'à présent, on pensait qu'il n'existait que deux lignées de cellules T, et une équipe internationale vient de découvrir une troisième lignée. Les chercheurs ont fait cette découverte en étudiant le génome, non pas de la souris, mais de l'opossum gris, et l'assemblage moléculaire des cellules T marsupiales fait apparaître une troisième lignée, les cellules T gamma-mu. Elles seraient fondamentales pour la reconnaissance d'antigènes, peut-être même qu'elles utilisent de nouveaux mécanismes différents des cellules T traditionnelles. Alors selon ce papier, cette découverte pourrait avoir un fort potentiel thérapeutique. En tout cas, elle permet d'enrichir la boîte à outils de l'immunologie. Et on a évidemment, comme tous les jours, eh bien, les liens vers cette étude parue dans Science sur notre fil Twitter, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Le fil Twitter, vous ne connaissez que ça, vous le connaissez par cœur maintenant, c'est @ la méthode FC. Et on passe au bref. En France, les services de réanimation risquent la saturation. L'occupation des lits de réanimation est désormais supérieure à celle de la seconde vague. Le pic de la deuxième vague a été dépassé hier. Selon les dernières données de Santé publique France, le taux d'occupation national des services de réanimation est d'environ 89%. Sur les 7665 lits, 6833 sont occupés, dont 4974 malades du Covid-19. La pression sur les hôpitaux reste toujours très forte en Île-de-France. Un conseil de défense sanitaire se tiendra demain. Voilà, je vous indique que lundi, nous ferons notre émission mensuelle autour de la recherche sur le Covid et nous parlerons de la situation des enfants vis-à-vis de la maladie. Une étude parue dans la revue Cell décrit la création de la première cellule synthétique capable de se développer et de se diviser. Et des chercheurs américains ont créé en laboratoire un organisme unicellulaire synthétique similaire à une bactérie qui imite parfaitement le processus de division cellulaire, un peu comme une cellule naturelle. En génie génétique, c'est une première. Cette étude représente 10 ans de travail. Il y a 5 ans, cette même équipe avait fabriqué le premier organisme unicellulaire de synthèse avec le plus petit génome de seulement 473 gènes, des gènes clés et essentiels à la vie. Les chercheurs ont corrigé et affiné ce code biologique. Ils ont identifié et ajouté 7 gènes supplémentaires pour que ces cellules se divisent uniformément. Et enfin, le démantèlement de la revue Science et Vie se poursuit avec aujourd'hui une nouvelle vague de départ massive des journalistes de sa rédaction. Oui, alors dans ce journal, on parle régulièrement du sort de nos confrères de Science et Vie, ce magazine scientifique centenaire qui existe depuis 1913. En 2019, ce mensuel s'est fait racheter par le groupe de presse Reworld Media et a perdu, lors du rachat, environ un tiers de ses journalistes. Une rédaction en sous-effectif qui a également perdu son indépendance éditoriale avec des articles et du contenu gérés par la régie publicitaire. Après des démissions, après une grève et une motion de défiance contre la directrice de la rédaction, aujourd'hui, la quasi-totalité de ses rédacteurs démissionne. La Société des journalistes de Science et Vie déplore l'absence totale d'expertise scientifique au sein de la rédaction. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Le 2 mars dernier, nous vous en avions d'ailleurs parlé dans le Journal des Sciences, une prépublication suite à une expérience faite au LHCb, le grand collisionnaire de Hadron B pour Beauty, on en reparlera dans un instant, faisait état de la découverte de 4 hadrons exotiques nouveaux, des tétraquarks, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'assemblage de 4 quarks différents pour chacun des hadrons. Retour en arrière, un hadron, c'est la famille qui inclut les protons et les neutrons, soit les composants du noyau atomique, et chaque hadron est formé a priori d'un assemblage de 3 quarks. Nous connaissons également toute une zoologie de maisons, soit des particules qui contiennent 2 quarks. Mais au-delà de 3, eh bien, si la théorie rend ces hadrons lourds ou exotiques possibles, il n'existe en général que quelques fractions de seconde avant de se désintégrer dans des accélérateurs de particules. D'où eh bien, les expériences menées notamment au LHCb pour tâcher de compléter ce tableau des particules élémentaires, un peu au même titre que l'on complète le tableau périodique des éléments avec des noyaux lourds, si ce n'est que là, eh bien, c'est avec des quarks, ces fameux quarks d'abord théorisés et qu'on a longtemps cherché, comme en atteste notre archive du jour, nous sommes en 1977. En fait, bien entendu, on a cherché les quarks. C'était parfaitement clair. On les a cherchés avec passion, on les a cherchés avec des accélérateurs, avec des ballons, avec des machines plus ou moins compliquées. Avec des ballons. Oui. On les cherchait en altitude. Dans les rayons cosmiques. Ah oui, bien sûr. On les a cherchés dans la mer aussi. On ne les a, jusqu'à tout récemment, jamais trouvés. Et il faut vous dire que ces expériences ont été faites d'une manière très, très sérieuse. En particulier les expériences faites autour des accélérateurs. On peut dire qu'il y a en fait une véritable contradiction à première vue, entre la manière dont on peut expliquer les propriétés des particules en supposant qu'elles soient faites de quarks et le fait qu'on n'a pas pu les observer. On peut dire que peut-être ces quarks, nous ne les aurions pas vus si leur masse était très très élevée. Par exemple, des centaines de fois la masse du proton. Mais il y aura encore une contradiction dans le modèle parce que pour comprendre les propriétés des particules élémentaires, il faut au contraire supposer que les quarks sont relativement légers, certains nettement plus légers que le proton. Voilà, notre connaissance des quarks en 1977, peut-être une réaction à cette archive, Ursula Bassler. 1977 ? Absolument. Parce qu'en 1967, on avait déjà une idée que des quarks existaient bien pour expliquer la structure du proton. Et donc, différentes quarks étaient ensuite découvertes dans les années 70. Quoi. Je crois que c'était en 74 le quark beau, et en le quark charme, et en 77 le quark beau. Donc, le tableau de chasse commençait à se remplir au fur et à mesure. Marie-Hélène Schun, aujourd'hui, les quarks, ce n'est plus simplement théorique. On arrive alors à les observer. Peut-être que le mot observer est un peu mal approprié, mais en tout cas, on en a une expérience, on a une preuve expérimentale, pardon. Ah oui. Bah, c'est ce que disait Ursula. Finalement, on a une preuve expérimentale, mais je pense que votre archive, en fait, elle joue sur le fait, que on voit pas de quarks tout seuls, on les voit, ils sont toujours au sein des hadrons. Donc je pense que c'est un peu, c'est ça la contradiction qui met en avant, c'est-à-dire que on ne voit jamais un seul quark. Voilà. D'ailleurs, je vais renvoyer nos auditeurs immédiatement à l'émission que nous avions faite sur l'interaction forte, c'est précisément cette interaction qui lie les quarks au sein des noyaux atomiques. D'ailleurs, je précise que tout à l'heure, j'ai dit les hadrons, c'est la famille qui inclut les protons et neutrons, ce sont les baryons. Non, les hadrons, c'est les baryons et les mésons. Les baryons, ce sont les hadrons avec 3 quarks, et les mésons, ce sont les hadrons avec 2 quarks. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on observe justement, comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là de matière, de particules infinitésimales, quels sont les protocoles expérimentaux qui nous permettent justement de connaître et de scruter l'intérieur de ces hadrons, Ursula Bassler? Au tout début, quand on a essayé de comprendre la structure des protons et de voir si elle était vraiment faite de quarks, et il faut aussi parler des gluons qui lient les quarks Bien à sûr. L'intérieur du proton, on a envoyé des faisceaux d'électrons ou de positrons sur des cibles d'hydrogène. Et là, similaire à l'expérience de Rutherford au début du XXe siècle, on a vu que le proton était en fait fait à partir des structures 100 000 fois plus petites que le proton même, qui était dur et qui projetait, qui diffusait ses électrons dans tous les sens. Et ainsi, on a pu montrer qu'effectivement, il y a une sous-structure dans les protons. Et ensuite, il y a tout un zoo de particules quand même qui a pu être expliqué à partir de différents types de quarks et avec différentes propriétés. Et c'est en interférant maintenant les produits de désintégration qu'on voit de ces particules qu'on peut dire quelque chose sur la propriété des quarks sous-jacentes. C'est ça, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, Marie-Hélène Schön, c'est qu'on ne les voit pas, on constate des désintégrations de particules, et à partir de ces désintégrations dans les accélérateurs de particules, on peut inférer les particules qui ont été en présence et qui se sont désintégrées. On peut remonter la chaîne de désintégration. Oui. Alors juste, je voudrais juste, parce que je suis un peu peut-être embêtante, les maisons, c'est un quark et un anti-quark. C'est ça. C'est pas deux quarks. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir exactement sur les différentes compositions et on va refaire le détail précis de tout cela. Mais voilà, je voulais juste un dernier mot rapidement sur ces... Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a très peu de hadrons qui ont une durée de vie longue. Alors, il y en a un qui a une durée de vie extrêmement longue. C'est le proton. Le neutron, qui est l'autre hadron le mieux connu, puisqu'il y a, c'est aussi lui qui est à l'intérieur des noyaux, lui, il a une durée de vie de 15 minutes, donc au niveau de la physique des particules, c'est super long aussi. Mais voilà, les autres ont des durées de vie beaucoup plus courtes, de l'ordre de 1 millionième de seconde, ça c'est pour ceux qui vivent longtemps, et puis après, il y en a qui vivent des temps incroyablement courts, 10^-23 secondes, donc 0,23 secondes. Mais alors qu'on comprenne bien tout de même, Marie-Hélène Schön, quand vous nous dites que le neutron, il a une durée de vie de 15 minutes, c'est dans les accélérateurs de particules, puisque au sein des noyaux atomiques, il a des durées de vie beaucoup plus longues que cela. Voilà, c'est si un neutron tout seul. Voilà. On va continuer à parler, vous allez voir, de cette histoire des hadrons, les baryons et les mésons. On va bien refaire et retracer l'histoire des quarks. On va comprendre tout cela, comment ça s'assemble. C'est une sorte de jeu de Lego à l'échelle subatomique et c'est assez passionnant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc des hadrons, et plus précisément des hadrons exotiques, tout au long de cette heure en compagnie de Marie-Hélène Schön et d'Ursula Bassler. Pour comprendre ce jeu de Lego, il faut comprendre ce que sont les pièces initiales pour former ces assemblements divers. Et les pièces initiales, le tout début, ce sont les quarks. Et aujourd'hui, sur Ursula Bassler, des quarks, on en connaît 6 différents. Tout à fait. Il y a tout d'abord deux quarks qui composent en quelque sorte le proton et le neutron, c'est les quarks up et down, U et D. Ensuite, très vite, lorsqu'on a compris qu'il y avait d'autres hadrons que le proton et le neutron, on a supposé qu'il existait une propriété qu'on appelait l'étrangeté, parce que ça faisait des particules étranges qu'on ne connaît pas. Et on sait aujourd'hui que c'est lié au quark S. Ensuite, au début des années... S pour strange S pour strange. Voilà, excusez-moi. Donc étrange, non, mais pas de problème. Allez-y, je vous en prie. Strange en français, oui. C'est ça. Étrange. Ensuite, au début des années 70, certaines propriétés des désintégrations des hadrons faisaient qu'on postulait qu'il y avait un quatrième quark. Et parce que ce quatrième quark expliquait beaucoup de symétrie sous-jacente dans les propriétés des hadrons, on l'appelait charme. Les gens qui l'ont postulé, on dit, on est tellement charmé par son existence. Et finalement, vu qu'il y a certaines propriétés aussi d'asymétrie entre la matière et l'antimatière qui pouvaient être expliquées dans un modèle plus grand, Il y a encore deux quarks qui se sont rajoutés dans les prédictions, qui ont aussi été observés, un à la fin des années 70, le quark B pour bottom ou beauty. Et l'autre, le quark top ou truth, mais qu'on n'a jamais utilisé truth comme, ouais, comme nom, qui a été découvert, lui, qu'en 1995. Et que ça, c'est à nouveau un quark assez spectaculaire, parce qu'alors que le quark up et down, ils ont des masses de l'ordre du MeV. Du méga-électron-volt. Hein, du méga-électron-volt, voilà. Oui, tout à fait. Le quark top, lui, il a une masse qui est 200 fois plus élevée que le proton. Il a quasiment la masse d'un noyau d'un atome d'or. Et il vit si brièvement, de l'ordre de 10-25 secondes, qu'effectivement, il ne peut pas former un hadron. Il est disparu déjà avant que ce processus qu'on appelle l'hadronisation, où les quarks se confinent dans une particule, est trop long pour le capturer dans une particule. Pour ce quark top, oui. Oui. On peut préciser, Marie-Hélène Schun, qu'effectivement, il y a un rapport très très déséquilibré entre les deux premiers quarks, c'est-à-dire les quarks up and down, et les autres quarks, les quarks U et D sont vraiment très largement les quarks les plus répandus dans ce qu'on peut constater de la réalité. Dans la réalité, dans la matière ordinaire. La matière ordinaire, oui. Et qui nous entoure, oui, oui. C'est ça, oui. La réalité, c'est un peu vaste comme concept. On va peut-être pas rentrer là-dedans. Auprès des accélérateurs, non. Voilà. Et ensuite, on peut, alors choisir, suivant, du moment qu'on a l'énergie, disons, disponible pour. À cause de l'équivalence masse-énergie, hein, E égale mc2, du moment qu'on a l'énergie disponible, on peut créer en très grande quantité les autres quarks qui ne sont pas si rares, finalement. Mmh. Et plus l'énergie augmente, moins, disons, ils sont des bêtes rares. Et c'est pour ça que LHCb, avec le B qui indique qu'on s'intéresse au quark B, au LHC, grâce à l'énorme énergie du collisionneur, on peut... On en produit des quantités, j'allais dire, industrielles. Oui, mais enfin, c'est un peu ça, parce que évidemment, le nombre de collisions qu'ils ont produites arrive à des milliers de milliards de fois. Donc, c'est évidemment, ça crée beaucoup de particules, tout cela. Mais enfin, néanmoins, dans la composition de la matière, ces autres quarks, eux, sont en très, très faible quantité. On n'en a pas vraiment besoin. Voilà, on n'en a pas besoin. De toute façon. Mais... Quelles sont les caractéristiques? Comment est-ce qu'on peut expliquer, Marie-Hélène Schun, les caractéristiques des quarks? Puisque les quarks, on les définit par un certain nombre de paramètres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement? Évidemment, leur masse, on vient d'en parler. Et puis, leur charge électrique. Donc, en général, on la note en termes de la charge électrique de l'électron. Enfin, disons que si on dit que l'électron a une charge moins 1, on se place dans cette unité-là, alors les quarks, certains sont de charge plus 2 tiers, donc 2 tiers fois l'opposé de la charge de l'électron, ou moins 1 tiers, et voilà, donc ça c'est leur charge électrique. On va, et d'une manière générale, on va définir d'autres caractéristiques, et en particulier ce qu'on appelle leur couleur. Mmh. Alors leur couleur, en fait, c'est pas de la vraie couleur, évidemment, déjà quand Ursula a donné les noms des quarks, on a vu qu'on faisait un peu de poésie quand même, enfin, au niveau du physicien des particules peut-être, mais bon. Et donc quand les choses deviennent de plus en plus peut-être complexes mathématiquement, on va leur donner des noms jolis. Donc... la couleur des quarks, ça n'est pas une vraie couleur, bien entendu, mais c'est leur, c'est un petit peu, ils ont une charge électrique. La charge électrique, ça dit quelle est leur réaction, comment ils sont sensibles à l'interaction électromagnétique. Et donc, les quarks sont sensibles à l'interaction forte, et la charge de l'interaction forte, eh ben, c'est la couleur. Mmh. Alors, comme c'est une interaction compliquée, il y a trois couleurs et pas seulement une charge, il y en a trois d'une certaine façon. Donc il y a des quarks dits bleu, rouge et vert. Et tout ça va être très important. Pardon, excusez-moi. Non, allez-y, je vous en prie. Aussi des spins, et leur spin, c'est un petit peu comme disons, c'est une propriété intrinsèque. qu'on assimile parfois, qui est proche au niveau de la mécanique quantique du moment orbital. Donc des fois, on dit un petit peu que c'est un petit peu comme sa boussole. Mais bon, ce n'est pas une image complètement exacte parce que le quark, il n'a pas d'extension spatiale. Donc on ne peut pas exactement penser que c'est comme le moment cinétique d'une danseuse, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais disons que c'est un petit peu, ça ressemble un peu à ça, et ça définit aussi les caractéristiques des assemblages des quarks. Et c'est important. C'est important, et parce que chacune des données que vous venez de mentionner, en fait, vous allez voir et très vite comprendre que ça permet d'assembler les quarks ensemble, parce qu'il faut préciser aussi quelque chose de très important tout de suite sur Sulla Basler, c'est que les quarks ont pour caractéristique de s'assembler toujours. On ne trouve pas de quarks tout seul, sauf aux tout premiers instants de l'univers, mais dans la nature, dans la matière classique, les quarks ne sont jamais seuls, ils sont toujours assemblés, sauf évidemment quelquefois dans des accélérateurs de particules. Oui, effectivement, et ça c'est une des propriétés de la fameuse chromodynamique quantique qu'on pourrait appeler la théorie quantique des échanges de couleurs entre les quarks à l'aide des gluons. Et une des postulats ou de début de cette théorie, c'est effectivement qu'on ne trouve pas d'objet qui soit coloré. Il faut toujours que les trois couleurs ou une couleur et son anticouleur soient ensemble pour former un objet incolore. Et ça explique ce confinement des quarks à l'intérieur des particules, des baryons, des mésons, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, on dit que la couleur des particules de quarks assemblées doit toujours être équivalente à blanche, c'est-à-dire à l'assemblage soit des trois couleurs, soit d'une couleur et de son anticouleur, c'est-à-dire de l'équivalent d'un plus et d'un moins qui arrive à une charge neutre, Marie-Hélène Schön. Oui, c'est ça. Alors, la théorie, elle a été construite comme ça, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, même un peu avant, expérimentalement, ils trouvaient plein de particules, donc de toutes sortes de hadrons à qui on donnait des noms grecs, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait compliqué. Donc, c'était toute une jungle, et il y a eu une espèce de... il y a eu un effort de la classification, sont émergées des symétries. Et c'est en regardant ces symétries que Gell-Mann et Zweig ont construit leur théorie et l'hypothèse des quarks qui, comme le disait Ursula, dedans il y a le fait que les particules sont entre guillemets blanches. Et c'est vraiment et donc au début ça marchait bien, ils ont inventé ça, ils ont même Gell-Mann a dit ah oui mais alors si ça marche bien, moi j'ai vu qu'on voyait telle et telle et telle particule, si ma théorie est bonne, bon bah alors moi je prédis qu'il va y en avoir une de tel genre. Et je crois qu'il y a eu carrément un vrai pari, quoi, une conférence, il a dit ah ben voilà, moi je dis qu'elle doit être comme ça et puis je pense que sa masse ça doit être aux alentours de ça. Et donc, les expérimentateurs ont construit une expérience pour chercher cette particule. C'était une expérience de chambre à bulles, hein, c'était il y a longtemps. Et ils l'ont trouvé, ils ont dépouillé, je crois, un nombre considérable de clichés de chambre à bulles. Et ils ont trouvé à la bonne masse, avec les propriétés, comme prédité ça. Ça n'était pas la démonstration d'existence des quarks en tant que particules, mais c'était... je dirais la démonstration que la théorie fonctionnait bien, que le jeu de l'ego, non seulement, c'est un peu ça finalement, la démarche scientifique, on propose une théorie, mais elle explique les données, mais elle doit aussi être prédictive, et ensuite on confronte les prédictions, et là, on n'a pas démoli la théorie. Et après, comme a expliqué Ursula, après on a eu la preuve indiscutable que les quarks, c'était pas juste... des objets mathématiques, ce sont des réalités, voilà. Et ce sont des réalités qui s'assemblent effectivement, comme vous le dites, hein, très bien par justement avec ces règles de chromodynamique quantique et avec également ces différentes saveurs et ces différentes charges électriques. C'est peut-être important de le rappeler en fait une fois de plus, Ursula Butler, c'est impossible de détacher un quark ou alors encore une fois à des niveaux d'énergie et de pression extrêmement extrêmement élevés, mais les quarks s'assemblent systématiquement. On ne peut pas trouver du tout de quarks tout seul. C'est peut-être c'est rigolo d'en parler à ce moment de confinement parce que on dit aussi, l'expression scientifique qu'on utilise, c'est que les quarks sont confinés. Oui, c'est ça. Et il y a une propriété de la chromodynamique quantique qui est, en fait, le plus qu'on éloigne les quarks, le plus qu'on étire les gluons qui sont entre les quarks, le plus forte devient la force. Et le plus qu'on les met ensemble, de plus qu'ils sont proches, de plus faible est la force. Et on appelle ça la liberté asymptotique. Donc, en quelque sorte, le plus vous êtes confiné, le plus libre vous vous sentez. Quoi. C'est très beau à s'imaginer en ce moment. Quoi. On en a parlé dans l'émission sur l'interaction forte et de dire qu'effectivement, quand on veut arracher un quark, on met tellement d'énergie dans le système, et bien qu'à un moment donné, il y a une paire de quarks-antiquarks qui apparaît, et pof, on se retrouve d'un seul coup avec deux hadrons à nouveau. Un mot peut-être pour... Ursula Bessler, je vous en prie. Petit mot, oui. On parle aussi... probablement dans une autre émission, vous avez aussi parlé de ce fameux plasma de quark et gluon, où des températures et des pressions sont telles qu'effectivement on déconfine les quarks. Mais bien qu'il y a des objets donc, qui ne sont pas faits que de deux ou de trois quarks, il faut voir quand même que l'objet total reste toujours encore incolore. Le plasma en soi reste toujours encore incolore. Vous n'avez toujours pas une observation d'un quark coloré ou d'un objet coloré. Tout seul. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, Marie-Hélène Schün, l'extrême stabilité des baryons? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on se retrouve avec des systèmes à trois quarks et notamment up and down, on arrive à ces particules extrêmement stables, contrairement finalement à toutes les autres qu'on va réussir à former? Ben, parce que les autres, elles se désintègre en... disons qu'il faut pouvoir se désintégrer dans la vie. et donc, pour pouvoir se désintégrer, ben, il y a des règles qui sont inviolables. Hein, et la conservation de l'énergie-impulsion, c'est inviolable. Donc, les quarks U et D, finalement, bon, on a parlé un petit peu du neutron, mais ils peuvent se désintégrer dans rien, quoi. Le quark U, c'est le plus léger. Il y a une conservation, on n'a pas le droit. Oui, on a la conservation de ce qu'on appelle le nombre baryonique. Actuellement, dans ce qu'on sait, dans le modèle standard de la physique des particules, qui est la théorie qui actuellement marche bien, on conserve le nombre baryonique, c'est-à-dire que et cette conservation, donc quand on est un gros baryon lourd, on peut fait de quarks de famille 2 et 3, bah on peut se désintégrer. Quand on est un à la fin on aura un proton toujours dans la désintégration. Le nombre de baryons il doit être conservé. La physique des particules, c'est ça, hein, c'est beaucoup de donc des interactions et puis des règles de conservation, un peu comme l'électromagnétisme, ben on conserve la charge électrique. Bon, ben il y a d'autres règles. Alors certaines interactions violent certaines règles, mais il y a des règles qui sont inviolables, comme la conservation de la charge électrique, la conservation du nombre baryonique. Par exemple. Est-ce qu'on peut dire en résumé un peu à grands traits Ursula Bessler que finalement il en va des quarks comme des noyaux atomiques, plus on est lourd, moins on est stable? En quelque sorte, oui, quoi. Et bien sûr, on cherche toujours des exceptions à cette règle-là, et notamment pour les questions d'asymétrie de matière, antimatière dans l'univers ou dans les scénarios qui peuvent expliquer l'évolution de l'univers primordial. Il y a des questions de est-ce que le proton est vraiment stable ou est-ce qu'il peut quand même se désintégrer par certaines voies. Mais expérimentalement, on est à des durées de vie du proton qui sont de l'ordre de 10 puissance 30, maintenant j'ai oublié l'unité, seconde ou année, mais de toute manière, depuis que l'univers existe... Année, voilà. Ouais. Le proton est considéré stable, quoi, donc... Expérimentalement, oui, de plus lourd vous êtes, de plus court est votre vie. On comprend bien qu'on a les baryons d'un côté avec l'assemblage de trois quarks de couleurs différentes, en général, et c'est aussi certainement une raison de la stabilité, un équilibre électromagnétique ou en tout cas une charge électrique à 1. On a les maisons avec là aussi une couleur blanche qui associe un quark et un anti-quark. Ça veut dire qu'on peut imaginer là-dessus tous les mélanges possibles, de toutes les saveurs possibles, dans toutes les configurations possibles, à part, on l'aura bien compris, avec le quarqueté qui est trop lourd et qui est trop éphémère pour pouvoir s'assembler. Marie-Hélène Thune ? Oui. Alors, c'est pas la charge électrique, parce que le neutron, il est neutre, hein, le proton, oui, il est de charge. Autant pour moi. Le neutron, il est neutre. Donc non, c'est vraiment très lié à la cinématique, au fait de ne pas pouvoir se désintégrer en autre chose. Quoi. Le neutron, il peut donner, se désintègre, il donne un proton et puis des leptons, enfin, une paire lepton-antilepton, mais sinon, c'est vraiment, c'est pas lié à la charge. Par contre, oui, ils sont blancs, vous avez complètement raison. Oui, à part si on oublie le top, oui, on peut s'amuser, c'est pour ça qu'on en trouve autant. Enfin, c'est un jeu de Lego, on a disons, cinq pièces élémentaires, quelques règles à respecter, puis après, quand même, ça fait beaucoup de combinaisons, finalement. Mmh. Ouais. Ursula Bassler, sur ces différentes combinaisons, par exemple des combinaisons baryoniques avec d'autres quarks, ce sont forcément des baryons extrêmement éphémères qu'on ne regarde et qu'on observe qu'en accélérateur de particules ? En accélérateur de particules ou bien sûr dans le rayonnement cosmique, voilà. Quoi, qui nous arrive aussi, qui est l'accélérateur naturel et qui était quand même le premier moyen à observer ces hadrons exotiques. Oui, on les assemble. Il y a des règles, bien sûr, la masse, mais il y a aussi des règles de parité, de spin et ainsi de suite, qui peuvent faire que les durées de vie varient d'un état à un autre. Mais on peut construire ainsi, comme vous dites, un tableau de chasse, en fait, et on essaie de trouver les différentes particules qui peuvent exister. Et vous allez voir que, donc, on peut jouer déjà avec deux quarks, on peut jouer avec trois quarks, mais on peut même continuer à pousser un peu le jeu d'assemblage, le jeu de Lego, avec quatre, voire cinq quarks, à quoi on arrive, et puis surtout, finalement, outre la recherche fondamentale, à quoi ça sert d'essayer d'assembler des quarks comme ça, dans tous les sens, on en parle dans un instant. Le chambre Pendant que les champs brûlent, cette jolie reprise de Niagara par Blowbird à 16h35 sur France Culture, nous parlons des hadrons et plus précisément des hadrons exotiques tout au long de cette heure en compagnie de Marie-Hélène Chun qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire de physique des deux infinis, Irène Joliot-Curie à Orsay et Ursula Bassler qui est directrice de recherche à l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS et présidente du Conseil du CERN. Alors on a pas mal parlé du LHCB, du Grand Collisionneur de Hadron B, mais la recherche sur les hadrons ne se cantonne pas évidemment à ce magnifique accélérateur de particules du CERN, à l'Institut de Physique des Deux Infinis de Lyon. Un prototype de calorimètre hadronique est en cours de montage et c'est ce que vous êtes allé découvrir, Éléonore Pérez, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, effectivement, pour repousser les limites de notre compréhension de la matière, les détecteurs présents à l'intérieur des collisionneurs de particules sont de plus en plus élaborés. C'est le cas du calorimètre hadronique à grande granularité, appelé SDH-CAL, mis au point par le professeur Imad Lactinet et son équipe. Ce prototype, testé et validé en conditions réelles au CERN, fonctionne parfaitement. Il sera proposé à certains successeurs du LHC, comme par exemple le projet du collisionneur leptonique ILC au Japon. Alors, le calorimètre hadronique, c'est un détecteur qui permet de mesurer a priori l'énergie des hadrons. Quand une particule hadronique arrive, va interagir avec ce qu'on appelle la partie absorbeur, va faire d'autres particules moins énergétiques que la première, mais quand même assez énergétiques pour pouvoir introduire d'autres interactions et produire d'autres particules. Donc ça fait une cascade. Et nous, avec ce concept, on va détecter les particules issues de cette cascade et donc remonter à l'énergie de la particule d'origine en comptant en quelque sorte les branches de cette arborescence, de cette cascade. Mais ce concept qu'on a développé fait un peu plus que ça et permet d'identifier les particules, les distinguer les unes des autres. Et surtout, l'avantage de ce prototype, c'est qu'on a une granularité remarquable qui nous fait ce qu'on appelle un calorimètre imageur. C'est-à-dire, on peut voir l'arborescence de la gerbe et surtout, à l'avenir, pouvoir séparer deux gerbes voisines, l'une de l'autre. Ce bâtiment, on l'appelle le Dôme, c'est juste sa forme, qui a servi comme un lieu pour accueillir un accélérateur il y a 40 ans, mais qu'on a converti pour accueillir notre manip. Dans cette structure-là, il y a une structure mécanique qui est fabriquée à partir de l'acier. Et on a des trous dans lesquels on va mettre des cassettes. Il y a combien de couches d'acier à peu près ? Il y a 50 ici. Et il y a 50 cassettes à l'intérieur. Et il y a des détecteurs. Et alors, c'est très simple comme détecteur. C'est deux plaques de verre qu'on a couvertes par une peinture spéciale. Et on applique un champ électrique à l'intérieur, donc une sorte de condensateur plan, et on ferme par un cadre, on sépare les deux à l'aide des boutons qui permettent de garder la même distance, et on fait circuler un gaz spécial. Et sous l'effet du champ électrique, il y a une amplification. Donc on aura un signal assez important pour être vu de l'extérieur. On met quelque chose qui sépare ce détecteur de l'électronique, et l'électronique va sentir le passage de cette charge. Alors, je vais vous montrer un peu d'électronique, vous voyez. Ici, il y a un mètre carré, qu'on appelle une carte électronique de mètre carré. C'est un bijou de la technologie. Elles ont quoi de particulier ? Alors, l'épaisseur, c'est 3 mm en tout, et ils contiennent des puces. Ces puces permettent de traiter le signal qui arrive sur le détecteur. Ce genre de détecteur, il doit être le plus compact possible. Et comme on a une grande granularité, je vais vous montrer. Si vous voir la résolution, vous voyez ce côté-là, il y a des carreaux de 1 cm carré. Qui sont jaune brillant. Tout à fait, il y a même une couche d'or, mais ça permet donc de détecter le signal. Et le signal qui est donc par induction vu dans un carreau va être transmis à l'intérieur. Et il y a ici 8 couches de métal, c'est très très sophistiqué. Et chaque carreau va aller vers un ASIC. Ce sont des circuits électriques imprimés. Tout à fait, sur lesquels on va mettre les puces électroniques connectées les unes avec les autres. L'intérêt de ce détecteur, c'est qu'on peut avoir une résolution spatiale remarquable en plus de la mesure d'énergie. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est rajouter une dimension supplémentaire, c'est le temps. Et ces détecteurs simples que je vous ai montrés, les RPC, ils sont parmi les plus performants au niveau de la résolution temporelle. De l'ordre de combien de temps? Alors, on peut descendre. Alors, ça dépend de combien de gaps, parce que je vous ai montré un truc avec un seul gap, donc un seul espace de gaz. Là, on peut arriver jusqu'à, on a mesuré il n'y a pas longtemps, c'est entre 500 picosecondes et une nanoseconde. Mais si on met plusieurs gaps, ce qu'on est en train de faire avec nos collègues coréens et chinois. Donc plusieurs couches de gaz. Voilà, et ben on peut arriver jusqu'à moins de 100 picosecondes. Et ce qui est remarquable pour identifier l'évolution temporelle d'une gerbe hadronique et distinguer entre deux gerbes. Si vous voulez, pour les projets futurs, ce détecteur avec du verre standard ne permet pas de détecter beaucoup de particules à la fois. C'est que le temps que vous avez créé une charge, il faut que cette charge-là soit absorbée par l'extérieur. Et pendant ce temps-là, et assez long, ce temps parce que c'est du verre, c'est assez résistif. Donc, s'il y a une autre particule qui arrive au même endroit, il n'y a pas de champ électrique assez important pour amplifier la charge qui lui est associée. Donc, on ne pourra pas la voir. Donc, l'idée, c'est d'accélérer l'absorption de la charge. Et là, je suis en train de développer. Ce n'est pas mon métier, mais le besoin m'a poussé à développer. J'ai pris du plastique, j'ai eu l'idée de doper ce plastique par des nanoparticules et des nanotubes. Et là, on arrive à avoir une très bonne résistivité, donc plus faible que le verre, plus faible que ce qui est utilisé, qui est le bakélite, et d'une robustesse remarquable. Donc c'est ce que vous allez utiliser au final dans le prototype ? Alors, la prochaine étape, c'est de construire le détecteur avec ça et voir si ça marche aussi bien que le verre. D'après vous, il vous faudra encore combien de tests avant d'avoir un prototype qui vous satisfasse? Alors, ce que vous avez vu, c'est quasiment fini, mais on est en train de faire ce détecteur-là, le 2 mètres carrés, et avec une électronique qui est plus sophistiquée. Ça va être ce qu'on appelle le module zéro. C'est-à-dire qu'une fois on a terminé, on peut dire à la collaboration, regardez, si cette technologie vous intéresse, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour fabriquer et installer. Mais ça nous a pris, j'ai commencé en 2006, mais après, en attendant la décision pour la construction de futurs accélérateurs, eh bien, on a fait plein d'avancées. Voilà ce reportage à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon. Peut-être une réaction simplement l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Marie-Hélène Schun. Oui, alors c'est un très très joli développement, mais c'est pas avec exactement ce genre de détecteur qu'on peut chercher les tétraquarks ou les pentaquarks ou les hadrons exotiques ou en tout cas voir les désintégrations même de hadrons tels que les baryons ou les mésons. Ça c'est plus quelque chose qui permet de il a parlé de gerbes de particules, donc c'est des détecteurs qui sont importants, mais dont je pense que le principal intérêt n'est pas la chasse au hadron. Au hadron exotique, voilà, en tout cas, si oui, non, bien sûr. Hadronique, même si c'est un calorimètre hadronique, hein, donc voilà. Ursula Bassler. Oui, comme Imad Lactinet disait aussi dans le reportage, et vous au lancement, c'est un détecteur qui est aussi prévu éventuellement pour un collisionneur électron-positron. Et donc LHCb, qui est une expérience qui fonctionne donc sur le collisionneur proton-proton, le LHC au CERN, c'est un certain type d'expérience sur lequel on peut voir les hadrons exotiques. L'autre manière, c'est les expériences effectivement sur des collisionneurs électron-positron, où il y a eu des expériences telles que Bell, Babar ou le collisionneur BEPC en Chine, qui ont aussi contribué à la chasse des hadrons exotiques. Et le détecteur dont parlait Imad Lactinet est prévu effectivement plus dans l'esprit d'un tel collisionneur électron. Oui. Alors revenons à nos hadrons exotiques. Où en est-on aujourd'hui? Parce que je le disais, on peut peut-être l'évoquer maintenant, c'était au tout début de l'émission, il y a une prépublication qui annonce la découverte de 4 nouveaux hadrons tétraquarks. Alors Marie-Hélène Schun, de quoi s'agit-il et finalement qu'est-ce que ces hadrons exotiques apportent à l'étude et à la compréhension de la physique des particules? Alors juste pour être quand même complète, donc le premier candidat tétraquark, hein, qui a été vu un collisionneur électron-positron au Japon en 2003 par l'expérience Bell. Et je suis désolée d'être pénible avec ça, mais il n'utilise pas de calorimètre hadronique en l'occurrence. Mm-hmm. Mais voilà, je veux dire, voilà. Donc, c'est les calorimètres. On, généralement, on utilise les traces, les détecteurs de traces qui permettent de reconstruire bien plus précisément les masses. Et la reconstruction précise des masses, c'est un ingrédient clé pour ces études. Donc, bref, mais le premier tétraquark, donc ça a été vu en 2003. Là, l'archive que vous mentionnez, qui est effectivement le résultat le plus récent dans le domaine, il y en a 4 nouveaux. Donc c'est un peu le côté, c'est assez étonnant parce que pendant très longtemps, entre 69, 67, enfin tout ce moment dont on a parlé dans la première partie des missions, et jusque 2003, on n'a pas eu de signes de l'existence d'autre chose que de baryons ou de maisons. Et puis en 2003, il y a eu une première mesure, mais qui n'était pas très précise, où les caractéristiques du tétraquark n'étaient pas complètement tirées au clair, et il y a eu ensuite un petit peu d'autres... Il y a eu d'autres expériences, et principalement LHCb, qui ont d'ailleurs confirmé l'existence de ce tétraquark, même si la façon dont les 4 quarks sont à l'intérieur, on en parlera peut-être un peu plus tard, est encore discutée, et c'est probablement pas le meilleur candidat tétraquark du monde. Mais vous voulez parler de 2003, celui qui est charme anti-charme et up anti-up, c'est ça? Oui, voilà celui-là. Ça a été vraiment le premier vu, et ça a été un énorme, on en a beaucoup parlé dans la communauté. Alors justement, parlons-en de ce premier, puis on continuera sur les autres. Non, mais c'était intéressant parce que donc ce premier tétraquark qu'on appelle X3872, hein, c'est sa masse. Pourquoi est-ce que en quoi c'était important, et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce premier tétraquark détecté lors de cette expérience Bell, Marie-Hélène Schön? Donc on l'a détecté via les désintégrations d'un maison B qui se désintégrait en cette chose l'inconnu, quoi. Voilà. Alors, on a un petit problème de liaison. On va peut-être essayer de vous rappeler ou de vous reconnecter sur votre liaison téléphonique, parce que ça coupe de plus en plus et on commence à avoir on est en train de vous perdre petit à petit. Ursula Bassler, je vous laisse prendre le relais sur cette première expérience et ce premier tétraquark détecté de l'histoire de l'humanité et de la physique des particules. Oui, effectivement, ce que on voit ces tétraquarks dans des désintégrations de quarks plus lourds, et c'est des états fugaces dont on s'aperçoit. C'est-à-dire, vous partez d'un état avec 2 ou 3 quarks, et à la fin, vous avez un état avec 7 quarks, et donc vous vous dites bien qu'entre les deux, il y a quelque chose qui a dû se passer. Avec ce tétraquark CC bar UU bar, c'est les quarks qui charme, anti-charme, up, anti-up. Exactement. La question, bien sûr, est est-ce que c'est vraiment un tétraquark, c'est-à-dire une sorte de boule où les gluons tiennent ces quarks ensemble comme dans une petite sphère, ou est-ce que c'est deux maisons, des zéro bars, c'est un charme U, ou un charme anti-U et un anti-charme U, c'est ça. Qui s'assemblent tels que des molécules. Et donc, qui font des états qu'on appelle dits moléculaires, et qui seront en fait juste des sortes de maisons tenues ensemble par des résidus de la force de l'interaction forte. Et ça, c'est une question qu'on élucide petit à petit. Alors justement, Marie-Hélène, tu nous voulais retrouver. Rebonjour. Comment est-ce qu'on tranche finalement cette question, qui est une question essentielle dans la recherche de ces hadrons exotiques, de savoir si ce qu'on a détecté via la désintégration, il s'agit bien d'un tétraquark, c'est-à-dire d'une particule faite avec ces 4 quarks, ou d'une molécule de maison, c'est-à-dire 2 fois 2 maisons? Alors, bah, en général, disons le... Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. La deuxième chose à voir, c'est les modes de désintégration. Donc là, c'est de la même façon qu'on a déjà parlé, il y a des prédictions. Par exemple, si c'est plutôt un état, une molécule faite de deux maisons, d'un maison et d'un anti-maison, certains modes de désintégration seront permis ou favorisés et d'autres défavorisés. Si c'est quatre quarks très proches les uns des autres, disons, comme ils sont proches dans le proton, alors d'autres modes de désintégration, d'autres manières de se désintégrer de cette particule X ou de n'importe quelle autre particule seront permis ou pas. Donc c'est en comparant les modes de désintégration permis ou interdits, ça c'est la première chose, c'est la manière principale de le faire. L'autre manière, qui est quelque chose d'un peu récent et qui est lié au plasma de quark et gluon dont parlait Ursula tout à l'heure, c'est que si c'est un état moléculaire, alors on pense qu'il va être plus affecté par son passage dans le plasma quark-gluon que si c'est un état de quatre quarks qui sont très fermement liés. Mmh. Donc c'est via ce genre de choses qu'on peut essayer de tirer des l'étude, la masse aussi. Savoir si c'est des états dimoléculaires, en général les masses de l'assemblage de quatre quarks sont proches de la somme des masses des deux maisons, donc des choses comme ça. Mmh. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Oui. Et ce sera la même chose d'ailleurs pour les pentaquarks, hein, savoir si on a juste effectivement encore une fois une particule avec cinq quarks ou un baryon et un méson, une molécule baryon méson, ce sera à peu près la même chose. Ouais. Oui, tout à fait. Mmh. Pour revenir, alors on va y venir au pentaquark dans un instant, mais juste pour revenir des tétraquarks. Depuis 2003, on en a détecté un certain nombre, en 2005, en 2013, en 2014, en 2020, en 2021. Je veux dire, non mais ensuite concrètement, qu'est-ce que ça apporte à la physique des particules, outre l'idée de se dire que bien on constate que cela peut exister, est-ce que ça a un intérêt particulier de voir quels sont ces assemblages que l'on peut avoir avec les différentes saveurs de quark, Ursula Wassler? Outre maintenant la question de structure, il y a une autre question qu'on se pose. Tous ces tétraquarks, en fait, contiennent un quark charmé. Oui. C'est très important. Ils ne sont pas uniquement faits de quarks légers, donc up, down et étrange, mais ils ont toujours cette quark lourd en leur sein. Et ça, c'est vraiment un énigme, parce qu'en principe, la chromodynamique quantique est insensible à la masse, mais il semble avoir un effet stabilisateur, en quelque sorte, de cette présence de quarks lourds pour ces tétraquarks. Marie-Hélène Chul, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir. Alors, moi, j'ai effectivement vu des commentaires qui passaient sur ce sujet. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent là-dessus, parce que c'est possible aussi qu'il y ait simplement des biais expérimentaux, au sens pas négatif de biais, mais certains sont plus faciles à trouver que d'autres. Le LHC, c'est un environnement super compliqué. Il y a énormément de traces dans une collision. Il y a beaucoup de bruit de fond dû aux combinaisons de traces. Et on a certaines particules qui sont plus faciles à mettre en évidence. À identifier. Que voilà, exactement, expérimentalement. Et il se trouve que celles qui ont, quand il y a deux quarks, quand il y a un quark C et un quark C bar, ça va donner une résonance du charmonium, donc du gypsy, qui est extrêmement facile à voir expérimentalement. Donc, c'est possible, hein, je dis pas qu'on ne sait pas, mais c'est une vraie question qu'on peut se poser. Pourquoi on en trouve beaucoup comme ça? Mais moi, je pense qu'il y a quand même un effet expérimental. La preuve en est qu'on voit beaucoup de ceux qui ont ces barres, comme on l'a dit, et on en voit un quand même où il y a ce qu'on appelle du charme ouvert. Donc, où il y a un seul quark C. Mmh. Le charmonium, le charmonium, c'est un maison c'est bar. Hein. C'est un maison charme anti charme. Oui. Et qui a une signature expérimentale super claire. D'accord. Alors j'aimerais qu'on arrive à la fin de cette émission, qu'on dise un mot aussi alors des pintes à quarks. Des pintes à quarks, c'est qu'on arrive à trouver donc un baryon et un méson, ou en tout cas 5 quarks. On en a trouvé beaucoup moins, on en a trouvé quelques-uns, mais c'est beaucoup plus rare. Jusqu'où on peut aller en fait, Marie-Hélène Chune? Est-ce qu'on peut continuer à imaginer qu'on a d'autres combinaisons, hexa, hepta, octa? Oui, bien sûr. En fait, d'ailleurs, c'est dans le papier de quand on va voir Gell-Mann, c'est noté que c'est il donne les exemples, même il parle pentaquark, enfin tétraquark, pentaquark, etc. Il y a écrit. Donc oui, il n'y a pas de raison que, à condition qu'ils respectent le fait qu'ils sont pas colorés, etc. Donc oui. Donc on pourrait avoir des machins où il y aurait 3 quarks, 3 anti-quarks, ou alors 3 quarks, 5 quarks, et puis 2 anti-quarks, enfin, pour faire, voilà. Donc, oui, on peut jouer, on pourrait jouer au Lego. Alors, ils ont des masses de plus en plus lourdes. Bien sûr. Parce que pour préciser juste, désolé, je vous interromps, pour préciser juste, quand je le disais tout à l'heure, le premier tétraquark, il était à peu près à 4 gigaélectronvolts, c'est 4 fois le poids d'un proton, donc c'est des particules très lourdes. Oui. Mais voilà, et donc dans LHCb on en a principalement détecté via la désintégration de maison B, pas que, mais principalement. Donc ils sont pour l'instant en dessous de disons 5, enfin disons 6 GeV quoi, globalement. Mais maintenant peut-être qu'il y en a d'autres plus élevés, mais enfin le pentaquark, ça a été longtemps dans l'histoire, les gens pensaient en avoir détecté. C'est très compliqué, ces analyses, pour être sûr qu'on n'a pas une erreur expérimentale, que c'est pas un pic qu'on voit dû à des biais expérimentaux. Il faut faire ce qu'on appelle des analyses en amplitude, où on prend en compte tous les spins, les moments orbitaux. Enfin, c'est des analyses extrêmement compliquées qui demandent une très grosse statistique. Donc, c'est délicat. La chasse au hadron est délicate. Un mot, une fois de plus, pour conclure rapidement, Ursula Bassler, une fois qu'on les a, une fois qu'on remplit ce tableau de avec ces hadrons étranges, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça peut nous renseigner, je ne sais rien, en cosmologie, en astrophysique, ou juste c'est vraiment de l'assemblage de physique des particules? Non, je pense effectivement que ça peut aller un peu plus loin, peut-être pas juste avec ce qu'on a vu maintenant avec les quarks, mais on peut aussi imaginer encore d'autres particules plus exotiques, par exemple les assemblages quark-gluon, ce qu'on appelle les maisons hybrides, ou les uniquement des particules faites de gluons, des glue balls. Et tout ça a des implications qu'on peut voir un peu avec la théorie des cordes, où c'est peut-être des manifestations de prémices de théorie de cordes, et donc ça a effectivement une influence sur la cosmologie. Eh bien, ce sera l'occasion d'une autre émission, en tout cas, l'influence de la recherche de l'hadron exotique sur les théories de gravitation quantique. On entre dans une autre dimension. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Merci Marie-Hélène Chune et Ursula Bassler d'être venues nous parler de ces hadrons exotiques. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Florent Bujon aujourd'hui à la technique. Demain, nous irons à la fois dans le passé et dans le futur, mais sans faire de cosmologie quantique. Quels sont les nouveaux outils qui servent à comprendre notre passé? Comment travaillent aujourd'hui les archéologues? Avec quel type de nouvelles technologies? Bref, à quoi ressemble l'archéologie du futur? Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.